Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Enfin, nous, pour conclure, alhamdulillah, cette dirasa de ce kitab, Mubarak, fi ma'rifat, yani, kif nafham sifat ou l'asma. On va prendre une petite mouraja'a sommaire. Lima marra alina min kawa'id. Awel, kabla hada, as'aluka su'alan kharijan an al-ders. Pour voir si tu as suivi le ders. Le boulour. Mal fork beina el kitab el beb ou el fossil. Dans un livre, quand il écrit kitab kaza, après il écrit beb kaza, après il écrit fossil kaza. El beb, kitab ou ashmel. Non. Ou el beb, il y a trop de tartanada. T'as ashmel kif. Mathan kitab salah. Yashmel salat kamila. Tartanada fi abu beb salat el jumra, salat el musafir, salat el kusuf. ذكر التعريف الكتاب هذا إذا كان لي بيان جنس c'est pour un kitab c'est pour parler d'une catégorie précise d'une chose d'accord par exemple kitab al-salat kitab al-salat ça veut dire ça va englober tout ce qui touche à la salat jins al-salat après bab bab لي إذا كان الكلام لنوع من هذا الجنس باب ce qu'on appelle une porte en français mais باب c'est pour parler d'un genre précis qui se trouve dans cette جنس dans cette catégorie par exemple comme ذكرت انت مثلا باب صلاة الجمعة c'est une جمعة c'est une branche de la salat باب صلاة الكسوف celle de l'éclipse c'est une branche de la salat باب صلاة العيد باب صلاة المريض باب صلاة الجماعة هكذا الفصل لما تريد أن تفصل في مسألة معينة من هذا النوع من هذا الجنس quand tu veux un sujet particulier par exemple tu vas dire فصل في tu vas dire فصل في القصر في الصلاة par exemple صلاة المسافر tu ramènes l'arkem et après tu fais un tafsil dans le fait de raccourcir la salawat. Donc tu vas mettre un fossil maintenant précis par rapport à ce point-là qui est le raccourcissement des salawat. Par exemple, dans lequel tu détailles bien les points. Ah là, je décale après. Parce que souvent dans les kutub on voit kitab kaza, thumma bab kaza, thumma fossil kaza. Et le limaza, le pourquoi, des fois les gens n'arrivent pas à expliquer. طيب اولا اخذنا الفصل الاول على بس هذا كتاب كيتوش واسماء وصفات et après il a fait lu des fusul et non pas des abwab car il parle de masail muayyana par rapport à ça. Après, des fois, le style ahad, t'as vu, c'est des choses qui sont fréquentes chez la plupart. Il se peut qu'un alim fasse différemment. C'est pas une chose qui est moujma aliyah, que tous les ulama, ils disent kitab kaza, beb kaza, fosse kaza, ils mettent fosse direct. Eux, ils voient que fosse, beb, c'est pareil. Ça, c'est des choses qui sont fréquentes, on va dire. Maintenant, c'est pas une chose, voilà, quoi, qui... Demain, quelqu'un dit ouais, fausse pointe, tu dis ouais, il s'est trompé, il a fait une erreur. Non, ça c'est un istilahat, c'est une terminologie, c'est tout. Pour faciliter le classement des choses. Donc en premier, Akhaznaf, ma kana yata'alak bihi al-fasl al-awwal. L'asma aussi. Aïwa. Kawa'id fi asma illa ya'aza wajal. Donc c'est quoi le kawa'id al-oula, la tia Akhaznaf Asma Allah. Ils sont tous beaux. C'est-à-dire qu'ils ne contiennent aucun défaut, aucun manque. D'accord ? Il n'y a aucun nom d'Allah Azawajal ne contenant de défaut ou de manque. Mais lorsque le nom d'Allah Azawajal est commun avec le nom d'une créature, yani Ismullah yashmal jami' kamal hadha al-ism. Par exemple, tu vas dire un homme, il est alim, il est savant. Ça veut dire qu'il est savant par rapport à l'homme. Et quand tu dis Allah il est alim, c'est que Allah il sait tout. Il est omniscient, comme ils disent en français. Alors que l'insan, il est kana aliman, fahamt, jihlu, aksal min ilmi. Son ignorance est plus grande que son savoir. Cependant, le relativement par rapport aux hommes, il a de la science. Salam l'insan, on dit qu'il est sami', qu'il entend. Allah azawajel. Mais l'insan, il entend ce qu'il y a à la portée de son ouïe. Il n'entend pas tout. Allah azawajel, sami', il entend tout. Donc il y a une différence. هذا طيب القاعدة الثانية سبحانه وتعالى أوصف أعلم وأوصف أعلم وأوصف ما معنى هذا نوم خب ديسكريبشن يعني كل أسماء يتضمن صفة نعم كل أسماء يتضمن صفة نعم les noms d'Allah عز وجل ce sont des noms qui s'attribuent sur lui comme un nom propre et ce n'est pas seulement cela c'est également un descriptif Contrairement à l'insan qui peut porter un nom, et il n'a rien à voir avec ce nom. Shars ismuhu masalan salih, wa huwa mufsid. Salih, comme s'il était pieux, et en vrai, c'est un grand pervers, un grand égaré. Et ça, c'est khos lillahi azawajal ou aliman Il y a des trois choses, je crois. Lillahi azawajal, ou al-anbiya, non Al-anbiya. Que leurs noms sont des noms propres, et également, pour ceux dont on connaît le sens, comme le Mohammed, le wasf qui est tenu dans ce nom s'applique sur lui. Arsanta. Fada hada, al-qa'ida al-thalitha. Asma Allah, in dallat ala wasfin muta'abdi, tadammanat thalatha umur. Naam. Awalan, ça veut dire quoi, wasfin muta'addin? Là, je ne parle pas du fial. Je te parle du wasf. Ça veut dire que. Ça va être sur quelqu'un d'autre. Là où tu as athur, al-khalq. Il a une chose qui agit sur la création. Non, directement. Misal Zalika. T'as un exemple Ar-Rahman. Adalazim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim, non, ça c'est Muta'addi. C'est-à-dire que Allah accorde sa rahma à qui il veut. Alors que Rahman, c'est l'azim, c'est-à-dire qu'il détient la rahma. Taïb. Donc c'est quoi ces trois choses par rapport à ce wasf qui est muta'addi ? Thubut al-ism lillah. Naam, on affirme son nom lillah. Thubut al-sifa. On affirme la sifat. Thubut al-hukma. Naam. On applique le jugement qui découle de cette sifat. Qu'est-ce que cela implique ? C'est-à-dire Ar-Rahim, c'est-à-dire qu'il il donne de la rahma à qui il veut de sa création. As-Sami', ça c'est Muta'addi, Allah yasma' shay'an, mathalan. Donc là, ça veut dire que on applique cela pour dire que Allah, il entend tout ce qui se passe. Wa idha kana ghayr Muta'addi, yani wa lazim. Ça comprend. Le premier, qu'on affirme le nom, on affirme la sifat. Quatrième règle, Rabi'a. Asma'ullah. Indallat ala dhat wa sifat. Wa sifatihi. Wa sifatihi. Tadamman thalatha ashya kathalika. Takounu. Takounu bilmutabaqa. Mutabaqa. Bitadammun. Tadammun. Wa kathalika fil mutabaqa ala. Iltizam. On a dit al-mutabaqa madalla. Yani dalalat lafz ala jami' ajjah. Ma'na. C'est-à-dire c'est un terme qui englobe toutes les parties du sens. Tadammun ala juz. Une partie du sens. Ultizem alashi khalij anel ma'ana. Donne-moi un exemple autre que celui que je t'avais exposé moi et un sur lequel s'applique dalalat al-mutabaqa ou al-tadammun ou al-tizem. Une chose de toi-même, de ton imagination. Là, une chose autre de la création. Par rapport à ces trois points-là, tu arrives à déduire ta et ça et ça et ça et ça. Ça, ça veut dire telle chose, et de ça, on déduit telle chose, et cela implique telle et telle chose. Moi, je t'ai donné l'exemple du masjid. Tu te rappelles ? Donne-moi un exemple de toi. Kitab. Kitab. Arsène. Kitab, ça veut dire que ça parle de... Ça parle de l'écriture, des pages. Anil Kitab, ayoua. C'est cet objet-là, avec la couverture. À la base, un kitab, ça implique un kitab. Ce qu'on appelle un livre. Ils appellent ça un bouquin. Ça peut être un manuscrit si c'est fait à la main. Ça peut être un recueil. Ça peut être... Kitab. Et ça implique, comme tu l'as dit, le livre, ce qui implique quoi également ? Kitab ? Des feuilles. Des chapitres, table de matière, couverture, l'encre, les lettres, des mots. Al-an urid al-tadammun. Une feuille. Non. Quand on dit un livre, qu'est-ce qui vient à l'esprit également ? Une feuille, une page. Ou ça peut être une couverture. Ou ça peut être l'auteur. Ou ça peut être un titre. Ou ça peut être un chapitre. Une partie de tout ce qui est cité auparavant. Maintenant, iltizem, chose kharij, externe à ça, que implique ce livre. Un auteur. Non, quelqu'un l'a écrit. Non, mais je l'ai mis dans le... Je l'ai mis dans le tab, là-bas. Mais ça implique un auteur. Non. Un auteur, ça implique une imprimerie. Ça imprime, ça inclut de l'encre. Ça inclut du bois, parce que les feuilles sont faites à partir de quoi ? De bois. Du carton pour les couvertures. Une image pour la couverture. Les choses... Non. Arsène. القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. Ils sont tous basés sur un décret divin, c'est-à-dire sur un dalil. On les déduit, on les connaît du kitab et de la sunna. Du kitab et de la sunna. Maintenant, le aql, il a une petite part dedans du fait qu'il accepte cela et qu'il conçoit cela. Mais il ne pourra pas déterminer un nom à Allah Azza wa Jal comme ça, par son aql, dire mon aql voit que Allah Azza wa Jal يسمى بكذا لا هذا ما يوجد القاعدة السادسة اسم الله غير محصورة بعدد معين نعم كل من الله عز وجل ne sont pas limités à un nombre connu auprès de nous précis فالحديث qui cite les 99 noms comment il a été compris ce hadith là إن لله تسعتين وتسعين اسمين من أحصاها دخل الجنة نعم qui a 99 noms celui qui les mémorise et les comprend et autres entre au djinnah maintenant ça veut dire que Allah n'a que 99 noms et où الحديث اللي جاء بهذا اللفظ الحصر والضعيف ما يثبت et même en cherchant dans le kitab de la sunna on l'a trouvé plus que 99 noms qui est-ce qui a dit qu'on prend le hadith à la zahiri ابن حزم وفي هذا قوله مرجوح après on avait lu les noms que le shir avait trouvé dans le Coran et dans la sunna ثم الفصل الثاني قواعد في الصفات الاتربيه لله عز وجل الاولى Non, c'est toutes des sifats de perfection, un nom aucun manque. Une wajim el wujur. Ah, voilà, nas eluka, as-sifa, la sifat. Hel y a az-zat, ou shay kharij an az-zat? Shay zaid an az-zat? يا لازم متلازمة للذات نعم elle est liée au ذات c'est pour ceux qui ont voulu dire que la sifat c'est pas Allah pour ceux qui ont voulu dire que la sifat c'est Allah pour répondre on dira sifat متلازمة للذات c'est pour ça qu'on dit Allah بعلمه كما قال الإمام أحمد on dit Allah par sa science ولا يقال Allah وعلمه On ne dit pas Allah et sa science, mais on dit Allah par sa science. Car la science, c'est l'ilm min Allah. Lakin hal al-ilm huwa Allah bi dhati? La. Wa hal al-ilm huwa shay khalij? Une chose à part, séparée? Non, elle est min Allah. Non, donc les sifat, elles sont toutes des attributs de perfection et elles n'ont aucun manque. Et les sifat qui sont présentes également chez la créature, min haythu wa tasmiya, par rapport à la nomination, celles d'Allah Azzawajal sont parfaites. Misal dhalika, donne-moi l'exemple d'une sifat qui est chez Allah Azzawajal et qu'on trouve chez la créature avec la différence qu'il y a. Qui montre la perfection qu'il y a chez Allah et le manque qu'il y a chez la créature. Al-Haya. Al-Haya, c'est ism. La vie. Car celle de l'homme, il y a masbuka bi adam. Elle est précédée du néant. Wa laha fana. Elle va s'arrêter, fi hadith dunya. Amma Allah azza wa jal hayatuhu kamila. Laysa laha. Yani, ma yya masbuka bi adam. Wa laysa laha fina. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. العلم كذلك الانسان له علم لكن علمه صعب علم المحصور ليميتي علم الله عز وجل يسع كل شيء englobe toute chose. Et si on trouve une sifat qui a un côté nox, comment on fait? Là là, c'est nox là yuthbat lillah. La qui d'un côté nox en apparent, comment on fait? مثلاً أي والمكر. Comment on fait que c'est ce genre de sifat? Le makr ou le kaid? Aïe, c'est sifat bin muqabil, que Allah azza wa jalla yamkur bi man yamkur bi bihi ou bi ibadihi, que Allah complote contre ceux qui complotent contre lui. Et cela démontre justement sa grande force. Quand tu veux faire une chose en douce, cachée, et que ton sein chez la créature, ton adversaire le sait, et te renvoie cela contre toi. C'est pour qu'il est plus fort que toi. Donc ça, c'est quoi? C'est une bonne chose. Mais il le fait qu'avec celui qui mérite de le recevoir. C'est-à-dire, en plus, ça amène à quoi, ça? Justice. Justice. Voilà, justice. Al-Qaïda al-Thalitha. C'est Thania, celle-là, Nam. Thania, Nam. Que le chapitre touchant au sifat est plus large que celui qui touche au nom. Kayf hadha? Nam, Arsenta. Que de chaque ism, on en tire une sifat. Et ce n'est pas de chaque sifat qu'on tire un ism. Wa kadhalik zinna madha? Qu'est-ce qu'il y a, quoi, qui est encore plus large que le bab des sifat? Al-Yakhbar. Des choses dont on informe d'Allah Azza wa Jal sans pour autant le nommer. Mathalan, on va dire An Allah wa ash-shari'a. C'est lui qui fait la législation. On informe. Maintenant, est-ce que ash-shari'a ibn Asma'illah? La. Fahamt? Al-Madi, que Allah, il est celui qui vient. Parce que min sifati al-Madi wa ja'a rabbuka wal malaku Safan Safa. Maintenant, est-ce qu'on va dire que le Madi wa min asma illah? Mais si on le dit min bab al ikhbar, yajouz. Donc ça, le bab al ikhbar, il est encore plus large que le bab des sifat. Al-Thalitha? Naam. Thubutiya wa sibiya. Thubutiya. Ma hiya thubutiya? Allah wa l'ghani. Non, c'est quoi le zabi? C'est quoi affirmé, une sifat que Allah a affirmé? Wa selbiya, menfiya, il a refusé. Non. Du fait qu'elle contienne un nox ou du défaut qui ne revient pas à la zawajel. La talie kobi. Donne-moi un exemple d'une sifat thubutiya. Al-khaliq. Al-khaliq. Wa menfiya. Et on a dit quoi en plus? Ce n'est pas seulement que Allah Azawajal nafa anhu a dit sifat du mujarrad nafi, lakin yuthbit diddaha. C'est-à-dire la sifat ne se l'attribue pas. Donc le fait qu'il n'ait pas cette sifat-là est une sifat. Comme on l'expliquait. Et en plus, cela inclut qu'il est le contraire de cette sifat de nox, de manque. Que masalan Allah, min sifat allati nafa anhu, qui s'est refusé, le sommeil. Et il s'est attribué quoi? Wal qayyum, celui qui se tient par lui-même. Et celui qui est de la sorte ne dort pas. وجل في الحديث أن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام. Dans le hadith du Nabi صلى الله عليه وسلم. Ça a été affirmé que Allah ne dort pas, il ne doit pas dormir. والموت كذلك. والحي الذي لا يموت. Que Allah est vivant, celui qui ne meurt pas. Donc il attribue le contraire. Il ne meurt pas, il s'attribue la vie qui est parfaite. Le ilm, مثلاً, il s'attribue il s'est refusé le jahl, il s'attribue le ilm. Et le ilm qui est parfait. الرابعة صفة الله تعالى صفة كمال مدح وكمال فلما كثرت وتنوعت دلالتها كمال نعم plus elle se diversifie et plus elle démontre la perfection du موصوف. الخامسة صفة الثبوتية ينقسم إلى قسمين فعلية وذاتية وذاتية وفعلية ذاتية وفعلية c'est quoi la ذاتية ذاتية bien qu'à la base on avait expliqué qu'elles sont toutes ذاتية les صفات d'accord mais ce tafsil là c'est un tafsil qui vient chez les متأخرين et c'est quoi l'objet de ce taqsim ذاتية il veut dire quoi par là لا يزال لم يزال لا لا يزال ولم يزال لا لا يزال ولا يزال حتى هذا في الفعلية سنتمو التي لا تنفك عن الله عز وجل طيب dont ils ne se séparent jamais juste qu'ils sont tout les sifat qui sont tout le temps on va dire je sais pas comment on dirait qui sont tout le temps effectives dans le sens qu'elles ont tout le temps lieu elles ne s'arrêtent pas contrairement au fi'liya qui fait quand il veut qui peut la faire un moment et ne pas la faire un autre moment هذا قصدنا صفة ذاتية مثلا العلم فهمت الله يسي طول طن صفة ذاتية مثلا البصر que الله يفوه طول طن يبا ممون يفوه با أما الفعلية مثلا نضع من اكزمبل نزول يدسن est-ce qu'il descend طول طن الله عز وجل لا après on avait expliqué également que les Zatiya se divise elle-même en quoi? Khabariya wa ma'nawiya. Khabariya sont celles que Allah nous informe à ce sujet. Elle est tout sama bi ajja indana, comme al-yadan, les deux mains, les deux yeux, les pieds. Ça, c'est le sifat khabariya. Wa ma'nawiya, comme on dit tout à l'heure, comme le ilm. Comme le basar, comme le sama' ou l'adl, tout cela. Et également, on a les sifat al-irtiyariya, celle que Allah choisit de faire quand il veut, comme il veut. Mathalan, les choses qu'il fait au moment où il veut le faire. Mithl, القبض كالله يسيزي فهمت الله يسيزي par exemple السادسة صفة الله توقفية صفة الله Il faut faire attention à deux dangers. Dans les débats, il faut faire attention au tamthil et au takif. Au tamthil, au takif. De chercher un comment et de chercher un équivalent. Et fil haqiqa, kulna ana kulli mumathil mukayyif. Wa laysa kulli mukayyif mumathilan. Tout mumathil il s'est fait un tamthil, avant de représenter, c'est qu'il a cherché un comment. Donc il fait un takif. Alors que celui qui cherche un keif ne trouve pas forcément l'équivalent. Et les deux, ils rentrent dans quoi? Dans une forme de tartil. Car ils ont annulé la sifat de sa réalité telle qu'elle est. Donc, ça va venir après ça. As-sabi'a. Non. Elle ne se trouve pas par le aql. Al-fasl al-thalith. Qawa'id fi adillat al-asma' wa sifat. Al-oula, c'était quoi la première? La nubit al-asma' wa sifat illa ghayr al-kitab wa sunnah. Ghayr al-kitab wa sunnah. Non, comme on peut affirmer l'asma', la sifat, ce n'est pas le kitab ou la sunnah. Deuxième, c'est quoi très importante? Sur quoi et les gens de sur quoi sont les gens de la sunna? Elle est wajib fi nusus al-Qur'an wa sunna. Naam, qu'on les prend selon leur apparent. D'où le tahrif qui est ikhraj al-lafz an ma'nahu. C'est pas le tahrif qui fait qu'on n'atteint pas le sens. Et pas de tartil non plus. Al-Thalitha. Zawahir. Zawahir al-Nusus. Avec Idwara. Qu'il y a une partie qui nous est connue. Bi-Ahtibar ma'louma lana. Ou bi-Ahtibar majhou lana. Elles sont... Il y a les sifat, le texte des sifat, nous sont connus. Dans quel point de vue? Du sifat, du nom. Du sens, du mot. Et de quel point de vue nous sont inconnus? Kayfiya ou al-haqiqa. On ne sait pas comment. D'où la fameuse parole de l'imam Ahmed et son cher Rabi'a. Quand on a fait l'istiwa. L'istiwa, aïe le majhoul, le ma'ana. Wa al-kayf, majhoul. Wa al-imanu bihi, wa ajib. Wa suwal anhu, bid'a. Que le sens du stiwa n'est pas inconnu, mais le comment, on ne le connaît pas, et qu'on doit y croire, et que la question à son sujet est une bid'a. Rabi'a. C'est-à-dire que quand le kalam peut avoir un autre sens, si la journal est dans des ordres. Enfin, Zahir al-Nusus. Ce qui vient en premier à l'esprit, il y a en fonction de la formule employée ou autre, ou ce à quoi le kalam il a été apparenté ou attribué, le sens peut changer. Après, c'était les chibouettes. Non, voilà, c'est Nakifuna. Le plus important du livre à connaître, c'était ça. Après, c'était lui qui a compris cela. Et après, les choubouettes par rapport au fait que des gens du Ta'ouil ont voulu nous contraindre à dire qu'on a fait de Ta'ouil comme eux, ils le font, dans certains points. D'accord? Chose qui n'est pas le cas. Ce qu'on dit qu'en fait, l'apparent des textes qu'ils ont voulu nous contraindre à dire, bah, l'apparent, c'est pas comme ils croyaient. On a pris vraiment l'apparent, mais un apparent qu'eux n'avaient pas compris. Basé sur la langue arabe ou autre. Et à la fin, on a pris quoi? On a parlé d'Asha'ira, qui sont les suiveurs de Ali ibn Ismail Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est trois états dans sa vie, qui a été mort à Zélé. Thumma, entre les deux, entre la Sunna et l'Irtizel, c'est là qu'il a fait son madhab. Thalithan, il a été sur la Sunna, avec quelques séquelles encore, mais il a fait Tawba. Donc les vrais Asha'ira, si vraiment ils devaient exister, seraient Salafi alors qu'il est. Et non pas ceux qui présentent aujourd'hui, comme disent en français, Asharit, qui sont sur une voie déviée. Et que même si c'était les plus nombreux, cela ne veut pas dire que ce soit la vérité. Et après, on est pris à la fin. Pourquoi on pas mécréant les gens du Ta'ouil? On dit ça dépend. Il se peut qu'il y ait des chouroutes. Il se peut qu'il n'ait pas eu la science, qu'il ait une choubouette, qu'il ne sache pas ce qu'ils disent ou qu'il était contraint de dire ce qu'il a dit. Il y a plein de choses à prendre en compte avant d'appliquer un jugement. Mais que des Asha'ira ont été rendus mécréants, d'autres Moubtadi et ainsi de suite, et d'autres, des gens de Salon de Maïs ont des choubouettes. Et il se peut qu'on dise avant le badda, il faut que tu l'expliques. Ça se trouve, il n'a pas compris, il ne sait pas. Certains des gens, ils ont fait du ta'wil, comme le Zomar Shali, qui est un Mu'tazili. Et c'est toutes ces chebouettes, elles avaient un lien avec la langue arabe. De là, il n'a pas été rendu mécréant. Bien qu'il y ait du kalam, du kouf, des choses qui, en apparence, du takzib du Coran, qui démentit le Coran. Par exemple, il dit que les croyants ne verront pas Allah Azawajal. Après, tous les textes qui disent qu'on va le voir, il les a interprétés. Et après, il y a des choubois dans la langue arabe par rapport à l'âne, par rapport à plusieurs choses. Donc de là, les ulama n'ont pas kafar. Et même, il est reconnu comme étant un imam en langue arabe, jusqu'à aujourd'hui. En langue arabe, plein de ulama reviennent à lui. Maintenant, celui qui ne connaît pas, ne s'amuse pas à faire ça. Parce que le Thomas Chalit est très dangereux. En langue arabe, il va te mettre une choubouette, tu ne vas pas comprendre et tu ne vas pas t'en sortir. Mais ceux qui ont la connaissance à Ma'alifa, ils peuvent. Donc, parmi eux, d'accord, certains ulama même n'ont pas été badda. Alors qu'ils avaient des cours d'Asha'ira, pourquoi? Du fait que peut-être que Ma'okimat al-Hudja alihim, après il a parlé des shurut de takfir ou de tafsir et également ce qui inclut tabdir ou al-Zalika. Naam. Fa bihada, alhamdulillah, kamelna al-kitab, wa bihada ntahat silsilatuna fil-aqida. Walhamdulillah bil-alamin.